la mer on regarde les bateaux, et dans le vent flottaient les drapeaux. On marche sur le port, sur les bouts de bois morts, que l'océan rapporte des îles des Açores. Et le matin on joue sur la plage, on s'amuse à suivre les nuages. Lorsque l'on a trop chaud, on va nager dans l'eau, et pour se sécher on s'allonge sur le sable chaud. Où voulez-vous aller avec nous cet été? La montagne ou la mer, il faut se décider. C'est à vous de nous dire où vous voulez partir. Avec lui, avec moi, quel est votre choix? La montagne, on ira marcher pour voir les chamois en liberté. On cueillera des fleurs perchées sur les hauteurs, au milieu des marmottes et des oiseaux migrateurs. Et on prendra le téléphérique qui nous mènera au sommet des pics. On verra les torrents que rendent rugissant la fonte des glaciers à la venue de l'été. Où voulez-vous aller avec nous cet été? La montagne ou la mer, il faut se décider. C'est à vous de nous dire où vous voulez partir. Avec lui, avec moi, quel est votre choix? Bon, on va à la mer ou la montagne? Je crois qu'ils veulent aller à la mer. Hein. Ils veulent aller à la mer? Ah, moi je crois. Bon, bah alors on va à la mer. À la mer, on regarde les bateaux, et dans le vent flottaient les drapeaux. On marche sur le port, sur les bouts de bois morts, que l'océan rapporte des îles des Açores. Et le matin on joue sur la plage, on s'amuse à suivre les nuages. Lorsque l'on a trop chaud, on va nager dans l'eau, et pour se sécher on s'allonge sur le sable chaud. Où voulez-vous aller avec nous cet été? La montagne ou la mer, il faut se décider. C'est à vous de nous dire où vous voulez partir. Avec lui, avec moi, quel est votre choix?